Vous êtes sur Age, c'est l'heure d'Exocet, chers amis auditeurs. Exocet, c'est l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires étranges, dans laquelle on vous retourne le cerveau par des faits inexplicables, des histoires insolites. À mes côtés, Thomas. Bonsoir tout le monde. Et aux machines, c'est Mika. Salut à tous. J'espère que cette émission va bien se passer pour vous. Je l'avoue, je vous la présente en quelques instants. La première histoire que je vous raconterai est celle du Mokele Mbembe. Hein, donc je préfère garder le suspense tout de suite. Je ne vous dis pas tout de suite de quoi ça parle, mais je vous garantis que ça vaut le détour. Thomas ensuite nous parlera de quoi ? Je vais vous parler d'Holmes, pas le célèbre enquêteur, mais un célèbre psychopathe qui a sévi en 1860. J'enchaînerai avec l'anesthésiste fou de Matoun. Et là aussi, croyez-moi, j'ai pas essayé de faire une thématique avec des titres bizarres, mais c'est une belle histoire. Et enfin, Thomas conclura les histoires. Je terminerai avec l'affaire Vargina, on va dire. Qui est une affaire d'extraterrestre. Mais je ne sais pas comment on prononce cette magnifique petite contrée du Mexique, Vargina, je pense. Et pour terminer cette émission, vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, ça sera les infos insolites de la planète. Et je démarre tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, avec l'histoire du Mokele Mbembe. Alors, l'histoire se passe au Congo, dans la région marécageuse du Likwala. On dit qu'un animal aurait survécu à la grande extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, et une créature proche des sauropodes, donc les grands dinosaures herbivores comme les Diplodocus, vivrait toujours quelque part dans cette région marécageuse du Congo. Et cette créature, donc les pygmées de la région, l'appellent le Mokele Mbembe, ce qui signifie celui qui arrête le cours des rivières. Alors, la première fois qu'on entend parler du Mokele Mbembe en Occident, j'adore dire ce mot, hein, donc je le répéterai assez souvent dans la chronique. La première fois qu'on entend parler de lui, donc, c'est en 1776, lorsqu'un groupe de missionnaires français rapporte avoir trouvé les empreintes énormes d'un animal inconnu. Et en 1913, le baron von Stein zu Lossnitz, qui est un officier de l'armée allemande, s'aventure donc dans la région du Likwala, qui était à l'époque une colonie allemande donc. Et les indigènes lui parlent d'un étrange animal, gros comme un éléphant, avec un long cou, la peau grise et une queue capable de briser les pirogues. Voilà. Donc l'animal serait herbivore et se nourrirait principalement d'une plante locale qui s'appelle le malombo. Donc en 1924, c'est le naturaliste anglais John Mies qui recueille un rapport à peu près similaire qui date de la fin du 19e siècle et qui concerne un animal géant vivant dans les marais avec un long cou et une tête de serpent également. Et l'histoire continue comme ça jusqu'en 1970 où un explorateur, James Powell, procède à une étude des récits qui concernent donc le Mokele Mbembe au Gabon. Et une chose surprenante, c'est que lorsqu'il montre aux indigènes des illustrations d'animaux divers, c'est celle d'un brontosaure que les pygmées considèrent comme étant le plus proche du Mokele. Alors que, rappelons-le, les pygmées ne connaissent pas l'existence des dinosaures. Donc, nous avons jusqu'ici, depuis le début du 20e siècle, des témoignages, des histoires qui font mention d'une créature très très très proche d'un diplodocus qui vivrait donc dans les marécages d'une région du Congo. Et donc il y a eu des traces, il y a eu des observations, et puis surtout il y a le fait que les pygmées décrivent un animal qui ressemble à un sauropode, alors même que évidemment ils ne peuvent pas connaître l'existence des dinosaures. Donc voilà où on en est. Thomas, je sens que tu veux réagir. Oui, non, juste parce que je voudrais savoir si on parle d'une espèce ou, comme pour le monstre du Loch Ness, on parle d'un individu isolé. Alors, la différence principale avec le monstre du Loch Ness, c'est qu'effectivement, le monstre du Loch Ness est censé être unique. Or, depuis qu'on en parle, ça fait à peu près un siècle, s'il est effectivement unique, il serait déjà mort. Certes. En admettant qu'il ait existé, ce qui est tout sauf sûr. Et dans le cas du Mokele Mbembe, on parle d'une espèce. D'accord. Avec quelques représentants, donc une espèce en voie de disparition, on va dire, puisque donc d'après les observations, il en resterait peut-être deux ou trois. Et donc là, on parle bien d'une espèce. C'est pour ça que les cryptozoologues considèrent le cas du Mokelembembe comme un des cas les plus intéressants et les plus plausibles de la cryptozoologie, puisque donc effectivement, il y a beaucoup d'observations et puis surtout, il y a beaucoup de zones encore inexplorées dans la région. Alors en 1983. C'est un zoologue congolais qui s'appelle Marcelin Lactélé. Alors, Lactélé, c'est un endroit de la région du Auré, abattu un Mokele Mbembe avec des lances. Donc c'est une région assez mythique hein, dans ce registre-là. Et c'est pour ça que les différentes explorations ont tenté d'atteindre ce lac. Et donc Marcelin Agnania a atteint le lac. Et après 5 jours d'exploration des marais qui se trouvent autour du lac, lui et ses collègues ont repéré un large animal qui s'enfonçait sous l'eau. Il avait une petite tête de lézard, un long cou et un large dos proéminent. Donc, d'après lui, la créature ne ressemblait à aucun animal connu en Afrique, mais plutôt à une espèce de dinosaure aquatique. Et c'est le seul témoignage oculaire qu'on puisse prendre réellement au sérieux, puisque donc c'est le témoignage d'un zoologue qui n'était pas là pour induire les gens en erreur, qui n'était pas là pour faire des canulars. Lui, il était là pour en avoir le cœur net. Donc c'est un témoignage particulièrement important dans cette histoire, puisque donc là pour le coup, il était venu démonter le mythe à la base. Et donc depuis 1902, il y a eu 15 expéditions qui sont parties à la recherche de la bête, et la dernière expédition remonte à 2001. Donc dans le monde de la cryptozoologie, alors la cryptozoologie, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme, c'est l'étude des animaux mythiques, des animaux cachés, hein, si on s'en réfère à l'étymologie du terme, les animaux cachés, donc que ce soit le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Sasquatch, etc. Et parfois, la cryptozoologie devient une science exacte lorsqu'on découvre des espèces inconnues ou réputées éteintes, comme c'est souvent le cas dans la jungle de Bornéo, qui est une jungle encore très largement inexploré et dans lequel il arrive de découvrir de nouvelles espèces. Encore il y a 2 ans de ça, une expédition avait découvert une espèce de marsupial, il me semble, une espèce de singe, ou de mammifère, donc qui était encore inconnu, donc au cœur de la jungle de Bornéo. Et voilà donc en quoi consiste la cryptozoologie. Alors comme je vous le disais, depuis 1902 il y a eu 15 expéditions, la dernière remonte à 2001. Et avec toutes ces expéditions, évidemment, il y a eu des photos, mais malheureusement, comme toujours dans ce genre de cas, c'est des photos floues, et il y a une vidéo, mais qui est malheureusement inexploitable, puisqu'on a envie d'y voir, et c'est ce qui tendrait à décrédibiliser totalement la thèse du Mokelembembe, puisque donc, encore une fois, comme dans toutes ces histoires-là, alors pour les ethnologues, le Mokelembembe est une légende issue de la mythologie pygmée, qui se transmet donc de génération en génération. Et par contre, pour les cryptozoologistes, évidemment, l'existence du Mokele est plus probable que celle du monstre du Loch Ness, encore une fois, car la région n'a pas été totalement explorée. Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, dans cette émission, on vous parle d'histoires étranges. Et avant le morceau, c'était Air d'ailleurs, je le précise, le single issu de leur dernier album. L'histoire que je vous ai donc racontée en début d'émission, c'était celle du Mokele Membe, qui serait donc le cousin africain du monstre du Loch Ness. Alors bon, vraisemblablement, si il y avait un diplodocus quelque part au Congo, je pense honnêtement qu'on l'aurait déjà trouvé, qu'il y aurait des preuves tangibles. Mais c'est vrai qu'au fil du XXe siècle, il y a eu comme ça des éléments troublants, déjà des témoignages de pygmées qui parlent d'un animal qui ressemble très pour très à un dinosaure alors qu'ils ne connaissent pas l'existence des dinosaures. Un zoologiste donc qui a observé le Mokele, des traces énormes, etc. Bref, c'est vrai qu'il y a des éléments troublants, mais ma conviction en moi personnellement, c'est que c'est vrai que ça tient plus du mythe et de la légende que du fait réel. C'est Thomas à présent qui va prendre le relais et qui va vous raconter l'histoire, donc je crois, d'un certain monsieur Holmes. L'histoire d'un certain monsieur Holmes, et comme je l'ai précisé tout à l'heure, il ne s'agit absolument pas du célèbre inspecteur, mais d'un charmant jeune homme, vous allez voir, qui a sévi à partir de 1860, enfin plutôt d'abord il est né en 1860, c'est déjà pas mal, et il est né en 1860 sous le nom de Herman Webster Mugget. Alors il faut savoir que dans son enfance, il a eu un père extrêmement violent, hein, qui tabassait environ toute la famille, sauf sa mère, qui elle était totalement soumise à son mari, et assouvissait le moindre de ses désirs, le moindre de ses fantasmes. Bref, il vivait quand même dans une ambiance assez perturbée. Cela dit, Herman, puisqu'il s'appelait encore Herman à l'époque, était un élève assez intelligent, avec beaucoup, beaucoup de charme. Il avait une très belle apparence, en tout cas c'est ce qu'il en ressort, et il avait une réussite plutôt favorable dans les études. Et son grand rêve, et le rêve qu'il a poursuivi toute sa vie, c'était de devenir un grand médecin. Alors, très vite, forcément, il se passionne pour l'anatomie, et adolescent déjà, il commence à démembrer et viscérer certains petits animaux pour les étudier au début. Les études finissent quand même par se ternir, et il quitte l'école à 16 ans, probablement à cause de son père qui l'a poussé à le faire. Et là, il se marie avec une certaine Clara Lovering, il a à peine 18 ans. Là, il décide de quitter le cocon familial, il déménage, et là, il décide de partir dans des études de médecine à l'université médicale du Michigan. Et puis pareil, il est obligé de s'arrêter en milieu de cursus parce qu'il se fait surprendre dans la morgue de l'université en train de voler des cadavres. Donc il est expulsé manu militari du campus. Jusque-là, il a le parcours assez classique du serial killer, quoi. Il commence à torturer des bestioles, voilà, etc. On sent qu'il a un background, comme on dit, assez chargé déjà. Donc en 1886, il déménage à nouveau, et cette fois-ci il part à Inglewood, une banlieue de Chicago. Il décide de changer de nom, sans doute pour couper tout lien qu'il pouvait encore avoir avec sa famille et son père particulièrement, et il décide de se faire appeler Henry Howard Holmes, et c'est comme ça qu'il restera célèbre sous le nom de Holmes. Alors forcément, vu qu'il déménage, il a pas mal de frais, il a arrêté ses études, donc il a un petit peu du mal à trouver du boulot, donc il prospecte à droite à gauche, et il tombe un jour sur une annonce dans une pharmacie où travaillent un certain monsieur et une madame Holten. Alors Holmes, comme j'ai dit tout à l'heure, grâce à son charme, arrive à se faire embaucher et surtout à charmer la clientèle de cette pharmacie, et rapidement les affaires deviennent très florissantes parce que énormément de gens viennent dans cette pharmacie spécialement pour Holmes. C'est pour son charme et pour les conseils qu'il leur prodigue. Et puis les affaires commencent à vraiment très très bien marcher. Malheureusement, monsieur Holten, donc le propriétaire, décède d'une maladie plus ou moins inconnue, en tout cas à l'époque. Holmes profite un petit peu de l'opportunité, décide de racheter le magasin, et il dit à la veuve, madame Holten: écoutez, je rachète le magasin, je vous garde comme employé. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Seulement, au bout d'un certain temps, Holmes décide d'arrêter de la payer. Au bout de quelques mois, il ne paye plus madame Holten. Et donc, cette dernière décide d'attaquer Holmes devant les tribunaux. Et bizarrement, quelques semaines avant son procès, elle disparaît sans laisser de traces. Et on ne retrouvera jamais le corps de madame Holten. Alors, Hone se retrouve seul à la tête de la pharmacie, il décide exactement ce qu'il veut faire, les revenus deviennent tellement conséquents qu'il arrive à se bâtir une maison qu'il appellera son château, mais il n'a jamais été vraiment satisfait des différents entrepreneurs qui se sont concertés pour le construire, donc il en a changé de nombreuses fois. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il avait surtout une idée derrière la tête et qu'il a certainement essayé de brouiller les pistes entre les différents entrepreneurs. Il faut savoir quand même que donc, ce qu'il appelait son château était constitué de 3 étages, un sous-sol et 60 pièces, donc c'était quand même un bâtiment assez costaud. Et à la fin des travaux, il décide de transférer donc la grande pharmacie qu'il avait achetée au rez-de-chaussée de son château, de louer les chambres à l'étage pour en faire une sorte de mini-hôtel. Et en 1887, sans avoir divorcé de sa première épouse, hein, qu'il a quittée, il se remarie avec une certaine Myrta Belknap. Malheureusement, donc, ce couple ne va pas durer très longtemps. Holmes est souvent absent à cause de son travail ou en tout cas d'autres activités. Et surtout, cette femme commence à trop s'occuper des affaires de son mari. Donc Holmes décide de la renvoyer dans sa famille, enceinte. Le problème, c'est que officiellement, elle est partie pour sa famille. Officieusement, elle n'est jamais arrivée à sa famille, qui n'a jamais plus de nouvelles du moment qu'elle a quitté le foyer conjugal. Les affaires continuent cependant à fleurir et Holmes décide d'aménager différents magasins au rez-de-chaussée. Donc il y a un bijoutier qui arrive, un restaurant, un coiffeur. Et surtout, il se lance dans un business qui devient assez vite lucratif. Il décide de vendre des cadavres à la faculté de médecine. Et alors, à ce stade, quel est le body count supposé ? C'est-à-dire, combien de morts a-t-il fait, ce Holmes ? Alors là, on serait probablement pour l'instant qu'à une petite dizaine, parce que c'est les choses vont s'accélérer surtout par la suite, à partir du moment où, en tout cas, on va comprendre, vous allez voir, quel était le rôle de ce qu'il appelait son château. Alors, les affaires continuent vraiment à fleurir, donc apparemment il était assez doué à ce niveau-là en tout cas, et donc il prend un associé nommé Ned Corner, qui vient donc souvent travailler à la pharmacie avec sa femme Julia et sa fille Pearl. Mais Holmes tombe littéralement amoureux de la femme de son associé, il décide de la charmer. Il en est tellement amoureux qu'il décide de se séparer de son associé au profit de sa femme, et donc il prend la femme de son ex-associé comme nouvel associé. Mais la femme donc craque ? La femme craque un petit peu. Apparemment, elle reste avec son mari, mais je pense que les relations ont dû être assez tendues à ce moment-là, puisqu'elle a quand même pris sa place au sein de l'association, donc il y a dû y avoir anguille sous roche. Donc il fait partie du cercle assez fermé des tueurs maniaques, beaux gosses et charmeurs, comme l'était Ted Bundy. Exactement. Donc le serial killer le plus célèbre des États-Unis, qui était donc le gendre idéal, mais qui donc la nuit, évidemment, était un petit peu moins idéal. Exactement. Alors là, l'erreur que commet Julia, c'est de faire venir sa sœur pendant un temps pour une visite. Et là, Holmes tombe amoureux de cette sœur-là, pour le coup. Donc il était quand même assez changeant, hein. Et donc pareil, il la couvre de cadeaux, il fait vraiment en sorte que qu'elle lui revienne. Cela dit, la sœur de Julia, Gertie, a beaucoup plus de conviction, et clairement elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle est mariée. Du coup, Holmes se sent extrêmement vexé et retourne auprès de Julia, et là il la fait tomber enceinte volontairement. Et lui dit, bon, écoute, maintenant que tu es enceinte, tu vas quitter ton mari, qui est donc mon ancien associé, tu vas avorter et tu vas m'épouser. Là, Julia commence un petit peu à tiquer. Elle décide de quitter elle aussi Holmes et de quitter le navire. Et Julia, Pearl et l'ancien associé disparaissent tous les trois. Nerd en premier parce qu'il part alors que sa femme a décidé de lancer une procédure de divorce. Et puis son ex-femme et sa fille, elles disparaissent quelques temps après. Et pareil, on n'a pas vraiment retrouvé les corps. Ce qui est assez troublant, c'est que peu de temps après, et ça on le sait d'après les cahiers d'entrée de la morgue de l'université, peu de temps après, Holmes a vendu un squelette de femme pour $200 à l'université du coin. Donc certains supposent que ça serait certainement Julia qui serait passée. Alors, le problème d'Holmes, et c'est là qu'il va commettre l'erreur de sa vie, c'est qu'il en veut toujours plus, surtout au niveau de l'argent. Et là, il va tomber sur un certain Benjamin Pitzel, qui lui propose de monter une arnaque à l'assurance, tout simplement. Grosso modo, Pitzel prend une assurance vie à $10,000. Il se fait passer pour mort dans un accident, et là le rôle qu'a Holmes, c'est en gros de fournir un cadavre défiguré, pour pouvoir justifier de la mort, de la fausse mort en fait de Pitzel, et permettre comme ça de toucher l'argent. Donc il monte une grosse magouille, l'accident est bien créé, le seul problème qui se produit, c'est que le corps qui est retrouvé, au lieu d'être un corps anonyme, entre guillemets, et ne pas être celui de Pitzel, eh bien c'est bien celui de Pitzel, c'est-à-dire que Holmes a tout simplement doublé la personne avec qui il était en train de monter l'arnaque, il a réellement tué, comme ça il s'est même pas pris la peine à chercher un cadavre. Et c'est là qu'il commet quand même une erreur, c'est que la défiguration du visage est tellement prononcée que la police commence à trouver ça franchement très louche, même pour un accident. Et donc il commence à enquêter sur Holmes, il devait certainement avoir quelques petits soupçons à son égard. Du coup, une perquisition est menée dans son château, et là, il découvre un petit peu l'envers du décor, et il s'aperçoit de l'ampleur de la chose. Alors le château, en fait, était rempli de passages secrets de toutes sortes. Il y avait des escaliers partout, des portes dérobées, et tous ces chemins qui gravitaient un petit peu comme ça sur toutes les surfaces menaient dans les chambres au sous-sol. Chambre au sous-sol qui n'avait pas de fenêtre, qui était équipée de tuyauteries pour pouvoir asphyxier en fait les gens qui étaient emprisonnés dedans pour lâcher du gaz. Évidemment, il avait à sa disposition une jolie petite table de dissection et un four pour pouvoir se débarrasser des corps qui seraient trop gênants. Tout un lot d'instruments chirurgicaux, etc. Et en fait, en faisant le bilan un petit peu de tous les cadavres qu'il y avait autour, on estime que Holmes aurait tué aujourd'hui plus de 200 personnes. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your love. Sunshine. If everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Vous êtes toujours sur Rage 102.5, c'est Exocet. Le morceau que vous venez d'écouter, c'était Beck, Everybody's Got to Learn Sometimes. Et avant ce morceau, Thomas vous a raconté l'histoire de Monsieur Holmes, donc un tueur particulièrement méthodique et qui se retrouve finalement à mi-chemin entre Ted Bundy pour ce côté charmeur, puisque donc il a séduit beaucoup de gens malgré donc sa face cachée particulièrement sordide, et c'est aussi un mélange avec le docteur Petiot, puisque donc il avait aménagé une sorte de laboratoire de savant fou. Il y avait un four, il y avait des chambres dans lesquelles il pouvait asphyxier les gens, table de dissection. Enfin, c'est un personnage particulièrement atroce, et donc il a été condamné à temps, puisque donc le château dans lequel il gardait toutes ses victimes a été perquisitionné par la police. Voilà. Alors l'histoire que je vais vous raconter à présent, c'est également une histoire de, comment dirais-je, une histoire de tueur, oui, si on veut, une histoire d'agresseur, en tout cas d'assaillant. Par contre, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si assaillant il y a eu, ou si tout simplement ce personnage est issu de l'inconscient collectif. Alors ça commence le 2 septembre 1944, en pleine guerre mondiale, et des événements assez étranges se déroulent dans la petite ville de Mattoon, dans l'Illinois. Alors la première page du journal local décrit une mystérieuse attaque perpétrée par une sorte de rôdeur anesthésiste, c'est ce qui a écrit... C'est ce qui est écrit en première page, hein, le rôdeur anesthésiste. Donc cette histoire s'est donc déroulée la veille au soir, et une jeune femme nommée Aline Kearney se reposait donc dans sa chambre quand tout à coup elle sent une odeur douceâtre qui se répand dans la pièce. Une odeur assez suffocante, et elle lui donne la nausée d'ailleurs, cette odeur, à elle ainsi qu'à sa petite fille de 3 ans. Donc quand Aline essaye en tout cas de sortir de son lit, elle ne peut plus bouger ses jambes, elle est comme paralysée. Donc la police est quand même contactée, elle arrive sur les lieux et il ne trouve absolument rien de spécial, rien de bizarre sur les lieux. Mais quand le mari d'Aline rentre à la maison vers 00h30, il aperçoit un rôdeur près de la fenêtre de la chambre. Donc il lui court après, mais l'intrus s'échappe, et plus tard, donc le mari décrit un homme de grande taille, habillé en noir. Et ainsi naquit l'histoire du gazeur fou de Mattoon, ou de l'anesthésiste fou, ça change selon les versions. Donc à partir de là, la figure donc de l'intrus habillé en noir qui s'introduit dans les appartements pour envoyer du gaz anesthésiant sur ses victimes, donc commence à se répandre. Et dans les jours qui suivent donc la parution de l'article, 3 autres personnes déclarent avoir été victimes d'anesthésie semblable, d'anesthésie sauvage, avant même l'affaire d'ailleurs de la famille Kearney. Il parle de paralysie, de nausées, d'odeurs douceâtres, bref, l'histoire est la même. Et quelques jours plus tard, une femme raconte même qu'elle a trouvé un tissu humide devant sa porte et quand elle l'a porté à ses narines, elle s'est retrouvée prise de vertige, sa gorge lui brûlait et elle a même craché du sang. Donc d'autres journaux s'emparent de la rumeur et très vite, tout le pays entend parler du gazeur fou de Mattoon, qui est donc à la base un petit bled dans l'Illinois. Et pendant des mois, les médias, il faut le savoir, avaient prévenu le peuple américain que les nazis, puisque ça se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous le rappelle, les nazis pouvaient envoyer des gaz empoisonnés contre les civils. Et donc cette histoire nourrit encore davantage la psychose des gens et fait vendre, bien sûr, du papier. Alors les histoires de gens gazés continuent à augmenter et un journal public va même jusqu'à blâmer la police pour ne pas prendre l'histoire d'Alan Kearney au sérieux, puisqu'il n'y a donc aucune preuve de cette histoire, mis à part le témoignage du mari. Donc peu après ce blâmage public, 10 agents de police sont mis sur l'affaire ainsi que 2 agents du FBI, donc ça commence à être sérieux. Et la police reçoit donc plusieurs témoignages d'attaques par nuit, et des témoignages qui font mention d'un assaillant vêtu de noir, encore une fois, qui s'introduit dans les maisons et qui essaye d'anesthésier avec un gaz à l'odeur douceâtre ses victimes avant de s'enfuir, puisqu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression physique, il y a juste... cette anesthésie sauvage et l'assaillant s'enfuit bizarrement par la fenêtre sans demander son reste. Donc des milices civiles commencent à se former puisque donc les gens vraiment commencent à s'inquiéter. Il y a une psychose très importante qui s'installe. Donc les citoyens, les habitants de la ville commencent à former des petits groupes de miliciens civils et ils font des rondes pour arrêter le gazeur. Et comme la police reçoit l'ordre d'arrêter ces milices, la tension commence à monter. Et les histoires d'attaque au gaz s'arrêtent brusquement, sans raison particulière, sans plus de raison qu'elle n'avait commencé. Et les recherches n'ont jamais rien donné. Pourtant, il y a eu des enquêtes approfondies, puisque donc encore une fois le FBI était sur le coup, mais on n'a jamais rien trouvé, pas de traces de gaz nocif, ni de symptômes persistants chez les victimes qui prétendaient avoir été attaquées. Le seul suspect interrogé fut un certain Farley Lewelin, qui était un étudiant en chimie, et donc ce jeune garçon était raillé et mis à l'écart par le reste de la communauté pour son homosexualité. Sexualité présumée. Donc, je vous rappelle que ça se passe dans les années 40 en Amérique. Donc, à l'époque, le simple fait d'être présumé homosexuel était déjà un motif de mise à l'écart, un motif de raillerie, voire plus. Donc, ce jeune Farley Lewelin, donc, avait les moyens de perpétrer ses attaques puisqu'il était chimiste. Il avait le mobile, puisque donc encore une fois il était mis au ban de sa communauté, et la plupart des attaques se passaient près de chez lui. Donc il y avait suffisamment d'éléments, effectivement, pour le confondre et pour en faire un suspect idéal. Mais même après qu'il ait été placé en surveillance, les rapports d'attaques ont continué et ont même augmenté. Donc aujourd'hui encore, l'histoire reste une énigme. On ne sait pas qui était le mystérieux anesthésiste fou, qui était le gazeur de Mattoon, ni même s'il a vraiment existé, en fait, on n'en est pas sûr. Alors certains pensent que les émanations toxiques des usines environnantes peuvent être responsables, mais alors le truc c'est que les victimes n'auraient sûrement pas été aussi localisées, c'est toute la ville qui aurait senti ce gaz. Or là, c'était pas le cas. Et l'enquête officielle a conclu que le gazeur fou de Mattoon était le produit d'une hystérie collective alimentée par les journaux. Et même si rien n'est sûr, ça ne serait pas la première fois, bien évidemment, que l'esprit humain fabriquerait de la peur à partir du vide. Last night, I never seen you. Toujours dans Exo 7, à l'instant, c'était Trail of Dead. Je vous ai raconté l'histoire du gazeur fou de Mattoon, donc l'histoire d'une sorte d'anesthésiste fou. Oui, je sais que c'est drôle, Thomas. L'histoire d'un anesthésiste fou dont on ne sait pas encore aujourd'hui s'il était réel ou imaginaire, s'il était issu de l'hystérie collective des gens. En tout cas, la légende urbaine s'est répandue à tel point que c'est devenu un personnage carrément de la culture populaire. Il a été décliné dans des films, il a été décliné en comics carrément. Donc voilà, c'est parti peut-être d'un fait avéré. Peut-être qu'effectivement il y a eu ce jeune chimiste qui était soupçonné qui s'est introduit dans la maison de quelqu'un pour l'empoisonner. Voilà, mais ce qui me fait douter un peu, c'est que il cherche pas à empoisonner pour tuer, ni pour voler, pour violer, pour agresser. Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'effectivement il y a un vrai gazeur de Mattoon qui s'est introduit comme ça chez une personne qui a fait ça sans trop de raison, peut-être juste pour emmerder le voisinage. Ouais, voilà, ouais. Et ça a fait boule de neige. Ensuite, ouais. On sait comment fonctionne l'hystérie collective. Soit c'est juste une histoire montée en épingle par les médias pour vendre du papier. Soit il y a juste rien du tout. Il y a une femme qui a cru sentir quelque chose, qui s'est sentie paralysée et qui a donc ensuite envenimé la situation en racontant donc qu'elle était nauséeuse, etc. Son mari a dit voir un rôdeur. Donc peut-être qu'à la base de cette histoire qui est devenue vraiment énorme, puisque le pays entier était dans une sorte de psychose du gaz. Les gens avaient peur donc de se faire anesthésier comme ça, de se faire empoisonner. Donc peut-être qu'à la base, il n'y a juste rien du tout. Et cette histoire n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'histoire de Spring Hill Jack, donc Jack le bondissant, dont tu avais parlé dans une précédente émission. Donc là, c'était presque un siècle en arrière à Londres. Mmh. Et donc il y avait des rumeurs selon laquelle un homme donc vêtu d'une cape qui ferait des bons extraordinaires, donc terrifier les jeunes filles du voisinage. Là encore, ça s'est répandu. Il y a eu de plus en plus de témoignages des gens qui assuraient l'avoir vu. Et Jack le Bondissant est devenu un personnage du folklore populaire à part entière. Donc c'est deux histoires assez similaires qui sont, je pense, à mon avis, à mettre sur le dos de cette tendance très humaine à fantasmer à partir du néant. Surtout en temps de guerre où il y avait probablement une très forte appréhension de justement tout ce qui était gaz toxique, etc. Parce que c'est là que l'armée a commencé à réellement utiliser des gaz. Enfin, ça a été fait un peu avant, mais... au moment de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il y avait quand même une peur assez prononcée pour tout ce qui pouvait être armes bactériologiques, chimiques, etc. Donc je trouve que ça colle un petit peu à ce niveau-là. Alors Thomas, tu vas nous raconter une seconde histoire qui est peut-être l'équivalent de l'affaire de Roswell, sauf qu'elle est beaucoup moins connue. Voilà, et que pour l'instant les conséquences ne sont pas les mêmes que celles de l'affaire de Roswell, mais vous allez voir que effectivement, si les choses continuent comme elles ont commencé, on risque de se retrouver très vite avec l'anesthésie d'un extraterrestre sur une table d'opération sur TF1 20h50, c'est clair. Alors, l'affaire Varginha, qu'est-ce que c'est ? L'affaire Varginha, tout simplement, elle porte ce nom-là déjà parce que tout a commencé à Varginha. Alors, je vais l'appeler Varginha, vous m'en voulez pas, si c'est pas le vrai nom, on va s'accorder sur cette terminologie. Donc, l'affaire Varginha s'est déroulée dans une communauté brésilienne le 20 janvier 1996, donc ça remonte à 10 ans. Plusieurs personnes auraient vu ce jour-là, donc le 20 janvier 1996, un extraterrestre dissimulé dans un fourré qui était en train de se cacher comme s'il était blessé et effrayé. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là quand même, et ça c'est des faits avérés, c'est que très vite, des camions militaires sont venus nettoyer la zone, comme ils appellent ça, et que les observateurs de ce phénomène disent avoir eu sur leurs épaules pas mal de pression et pas mal d'intimidations assez claires, en tout cas des intimidations suffisantes pour que aucun des témoins, pendant des années, accepte de parler. Alors... ça a un petit peu interloqué un docteur Lair, un homme ma foi assez curieux, qui est ufologue, donc évidemment quand il a entendu parler de cette histoire, il a décidé un petit peu d'aller enquêter sur place, et en 2002, il décide donc de mener une enquête approfondie sur le terrain, et décide de reconstituer le scénario de cette journée du 20 janvier 1996. Alors... l'histoire en fait a commencé au départ avec le témoignage de trois jeunes filles qui ont été les trois premiers témoins à avoir vu cet extraterrestre. Elles racontent, alors ces trois jeunes filles mexicaines, âgées de 16, 14 et 22 ans, qui disent avoir vu donc le 20 janvier 96 aux alentours de 15h30 en rentrant du travail par un raccourci qu'elle prenait à chaque fois. Ça fait un peu David Vincent, mais c'est un peu ça. Oui. Par un raccourci en rentrant du travail, elles disent avoir rencontré une créature d'1m50 avec une peau brun foncé d'aspect huileuse. Alors, elles la décrivent avec une grosse tête, sans aucun cheveu, avec deux grands yeux rouges, sans pupilles, et surtout avec trois protubérances sur le crâne. Là, en fait, les trois jeunes filles persuadées d'avoir vu le diable s'enfuient à bras-le-corps pour tenter d'échapper à son courroux, tout simplement. Seulement, cet extraterrestre va être capturé par la suite, puisque dans sa reconstitution du Pulse, le docteur Lair s'intéresse ensuite à ce qui s'est passé après que les trois jeunes filles aient vu pour la première fois l'extraterrestre, le supposé alien, et il s'aperçoit qu'en fait, d'après les informations qu'il recueille, le policier aurait embarqué tout simplement l'extraterrestre à quelques mètres de l'endroit perçu au début. En fait, les témoins qui rapportent cette histoire disent qu'un des policiers était sorti au départ pour intercepter une créature qui boitait et qui tentait de traverser la route, et que, à son niveau, la voiture de son équipier serait arrivée à toute trombe, il l'aurait jetée sur le siège du passage arrière, et la voiture de police serait partie. L'extraterrestre aurait tout d'abord, et là après c'est les policiers qui ont embarqué l'extraterrestre qui en témoigne, puisqu'il les a retrouvés. L'extraterrestre, eux, il aurait tout d'abord conduit à un dispensaire médical parce qu'il était blessé. Mais étant donné la gravité des blessures, il aurait été ensuite transporté dans un hôpital bien mieux équipé. Et le 22 janvier, soit deux jours donc après l'événement en question, le personnel militaire est donc transféré dans cet hôpital. Ils prennent un petit peu le contrôle de tous les services, ils ferment certaines portes, certains accès, et ils repartent de cet hôpital avec un brancard sur lequel est posé un drap, donc on ne voit pas ce qui est sous ce drap. Et on sait par contre que ce brancard est transporté à l'hôpital Humanitas, qui est en fait l'établissement le mieux équipé de la région en termes médical. Alors, les témoins visuels donc racontent cette histoire de brancard qui voyage. On en a la confirmation parce que il y a sur les registres des traces effectivement de ce transport un petit peu curieux dans une petite caisse en métal. Et on a surtout aussi l'heure d'entrée d'arrivée effectivement d'un malade à l'hôpital Humanitas où est censé avoir été transféré l'extraterrestre. Alors jusqu'à l'enquête du docteur Lair, toute cette affaire Waringa était plutôt une bribe d'informations, de rumeurs de toutes sortes, corportées par des gens dans la rue. Lui, il a rassemblé un peu tout ça, et il a réussi à remonter jusqu'au témoignage d'un médecin agréé qui se serait occupé lui-même de l'extraterrestre, et qui apporte donc un argument de poids à cette hypothèse de présence extraterrestre. En tout cas, ce 20 janvier 96. Et voilà, en fait, un extrait de la confession de ce médecin. Donc, il dit que, à l'intérieur du bloc chirurgical, tout le monde était forcément paniqué. Ils ont vu arriver l'armée avec des mitraillettes, etc., tout bloqué. Donc, c'était le désordre, la confusion totale. Et les militaires ont été tout de suite très autoritaires. Parce que ils leur ont clairement dit qu'une fois qu'ils seraient partis, les gens qui avaient été témoins de ce qui s'était passé avaient plutôt intérêt à pas trop parler. D'ailleurs, ils ont fait rentrer le fameux patient par la porte de derrière l'hôpital pour éviter qu'il rentre par l'entrée principale. Et donc, une fois arrivé dans l'hôpital avec cet extraterrestre, les militaires bloquent un bloc opératoire, ils placent des gardes devant, et ils demandent à une équipe dont fait partie le médecin qui témoigne, et ils demandent à une équipe d'intervenir dans ce bloc opératoire, et ils demandent à ce médecin de préparer une sorte de prothèse pour remplacer, voire pour consolider une jambe qui serait cassée. Donc le médecin, une fois qu'il a fini de réaliser les différents équipements et les différents ustensiles dont il avait besoin, se dirige vers le bloc opératoire, et là il décrit donc une vision assez étonnante, puisqu'il dit: on est arrivé dans le bloc opératoire, j'ai soulevé le drap, et là donc j'ai vu clairement une tête plutôt longiforme avec des grands yeux rouges une peau luisante, effectivement, comme si elle était huileuse, mais au toucher, elle n'était pas humide, elle était sèche. Certaines parties du corps étaient recouvertes d'écailles. Au départ, quand on est arrivé, on considérait que c'était un enfant parce que l'individu faisait uniquement 1m50. Effectivement, en soulevant le drap, ils sont aperçus que c'était plutôt, d'après eux, un être venu d'ailleurs. Ce qui est très étonnant dans cette histoire-là, donc, c'est que le médecin se serait occupé de cet extraterrestre, et en fait, d'après lui, personne autour de lui n'osait regarder l'extraterrestre dans les yeux, et lui, par contre, aurait été comme attiré, comme fondu par son regard, et aurait décidé de le regarder, et là, il aurait pu commencer une sorte de conversation télépathique avec cet extraterrestre, avant qu'il puisse quitter le bloc opératoire. Et par contre, il dit qu'il a reçu un flot d'informations comme ça, énorme dans sa tête, qu'encore aujourd'hui, certaines bribes de ces informations remontent, mais pour l'instant, c'est complètement confus. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'extraterrestre, lui, s'il a existé, a complètement disparu, puisqu'il n'en a plus aucune trace, les militaires sont repartis avec, et qu'on ne sait pas du tout ce qu'il a pu devenir. Your scars so well. Oh, toujours dans Exocet sur Rage 102.5. À l'instant, c'était Biffy Clyro et juste avant, Thomas nous a parlé d'une histoire, donc l'histoire de Vargina. Est-ce que c'est bien ça? Vargina, voilà, t'as peut-être trouvé la façon dont on le prononce. Qui serait donc l'équivalent brésilien de l'affaire de Roswell? Ça sent bien l'affaire de Roswell. Avec un authentique extraterrestre, donc ouais, qui aurait été capturé par l'armée, amené à l'hôpital. Bref, c'est assez énorme. Il y a toute une mythologie autour de cette affaire. Et donc, on en est où aujourd'hui concrètement? Concrètement, on a donc les témoignages de ces différents gens, certains plus crédibles que d'autres, hein, parce que effectivement, le témoignage du médecin, c'est celui qui a le plus de poids, parce qu'on peut se dire que ce dernier n'aurait pas intérêt à mentir. Maintenant, moi je trouve que il y a un aspect un peu dérangeant dans cette histoire qui me semble pas très très naturel. Bon, et tu parlais de l'aspect de la créature, donc on a quand même un portrait robot très très clair. Hein, il ressemble très pas, précis, c'est, ouais, c'est pas un arachnide, c'est pas. Non, c'est un humanoïde comme bien souvent, et il a des petites spécificités qui le feraient bien ressembler à un extraterrestre, des spécificités que je trouve on retrouve à peu près à chaque fois qu'il y a des témoignages d'extraterrestres. C'est-à-dire qu'il est petit, il a des longs doigts, voilà, il a une peau brune luisante. Bon, ça c'est peut-être un peu original, mais il a des grands yeux en olive machin qui remontent vers le haut. Bref, il ressemble à n'importe quel E.T. Et on n'a pas une petite photo floue, voire une vidéo tremblotante sur cette affaire? Alors, on n'a aucune vidéo, on n'a aucune photo, on a juste les témoignages, et en tout cas, la preuve, effectivement, qu'il y a eu une activité de l'armée assez importante ce jour-là, ces jours-là, d'ailleurs, dans la région, ça c'est sûr. Voilà, bon, si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez que chez nous, en général, on prend du recul par rapport aux histoires, on essaye de démystifier les choses, donc là, effectivement, c'est une belle histoire, il y a toujours des éléments un peu troublants, le fait que l'armée ait escorté un corps, exact, etc. Concrètement, c'est peut-être encore une fois une légende qui a été montée en épingle, peut-être que, effectivement, les deux jeunes filles qui ont témoigné ont vu un monstre, finalement, ça existe, il y a des créatures monstrueuses, je pense à des humains difformes, ça peut arriver, il y a des cas d'anencéphalie dans lesquels, donc, les bébés qui naissent, donc, ont des yeux rouges avec des visages humanoïdes, mais très très particuliers, donc, on peut imaginer un bébé difforme que la mère aurait abandonné quelque part, et donc, les filles auraient vu ça, et puis ensuite l'histoire étant ce qu'elle est, les gens, la rumeur étant ce qu'elle est, ça s'est monté en épingle. Voilà, l'armée étant dans le secteur, ça se trouve, elle était là effectivement pour faire quelque chose de secret dans un hôpital, mais tout simplement peut-être pour soigner un prisonnier qu'elle veut garder secret, c'est possible aussi. Et donc, à partir du moment où il y a une activité de l'armée, on se dit forcément, ils nous cachent des choses tout simplement énormes, alors que c'est peut-être juste effectivement un secret d'État, mais c'est pas forcément un extraterrestre. Et d'ailleurs, c'est une des hypothèses pour expliquer l'affaire de Roswell. Si ça se trouve, donc l'armée fait semblant de cacher qu'il y a eu donc un crash extraterrestre pour que les gens pensent que c'est ça qui est caché, alors qu'en réalité il y a peut-être une affaire d'État encore plus énorme qui est réellement cachée derrière le faux secret caché. Enfin bien bref, sûr, hein, tout ceci est très complexe et c'est ce qui fait tout le sel de cette émission aussi. On parle à présent des infos insolites de la semaine. Alors, vous le savez, hein, si vous êtes un habitué de l'émission, chaque semaine, on fait le point sur tout ce qui s'est passé de bizarre à la surface de la planète. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission, vous allez voir, c'est assez savoureux. D'une manière générale, on démarre avec un Chinois qui a probablement vécu le poisson d'avril le plus sordide qu'on puisse faire. Donc, cet homme a carrément demandé le divorce à sa femme. Hein, c'est vous dire si... Un premier avril. C'est vous dire si le gag était de mauvais goût. Puisqu'en fait, sa femme, tout simplement, a fait semblant de se pendre. Donc, l'histoire est arrivée quand Monsieur Lin, donc, qui vit à Shanghai, est rentré chez lui le 1er avril, donc après un voyage d'affaires. Et quand il a ouvert la porte, il a vu quelque chose de sombre se balancer dans l'air. Il a allumé la lumière et là, il a eu le choc hein, de voir sa femme pendue. Donc, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'il a tout de suite appelé la police. Il a essayé de descendre le corps en attendant que la police débarque. Et puis là, tout à coup, sa femme s'est relevée, elle s'est assise, elle s'est mise à se marrer. Hein, donc, elle a explosé de rire. Et elle lui a dit que c'était le 1er avril, quoi. Voilà. Mais je trouve que... Enfin, moi, je trouve ça assez rigolo. Ça doit être franchement flippant. Elle a peut-être tenu le jeu un peu trop longtemps. Écoute, en tout cas, lui, il ne goûte pas hein, la vanne, puisqu'il veut divorcer carrément. Donc, il faut savoir que la femme de ce monsieur Lynn, donc, c'est une actrice, une comédienne de 26 ans. Donc, manifestement, elle s'est jouée de son talent à la ville aussi. Et donc, d'après ce que Lynn raconte, donc, elle est toujours en train de lui faire des blagues, toujours en train de lui faire des farces. Et c'est une manière pour elle, en tout cas, de garder une fraîcheur à leur couple, à leur mariage. Et elle dit, j'essaye de le surprendre chaque jour. Mais là, donc, il en a eu assez. Il a dit, j'ai l'impression d'être assis sur une bombe chaque jour. Donc, cette fois-ci, c'est fini, je divorce. Voilà. Elle a trop tiré sur la corde. Ça, très très joli. La deuxième histoire se passe en Allemagne. Une bien jolie histoire, d'ailleurs, qui concerne un petit enfant de 5 ans. Donc, vous le savez, quand il a des insolites à base d'enfants de 5 ans, soit c'est mignon, soit c'est atroce, hein, selon ce qui se passe. Donc là, c'est mignon, en l'occurrence. C'est mignon. Voilà. Donc, c'est un petit garçon de 5 ans bah, qui s'ennuyait de sa maison. En fait, il était chez ses grands-parents en Allemagne. Il s'appelle Hans Bauer, ce jeune garçon, et il a décidé tout simplement de faire du stop jusque à la maison de sa maman. Alors donc, il est parti sur une autoroute à deux voies. Et il a fait du stop, carrément. C'est un peu dangereux quand même. Il faut préciser qu'il y a donc 240 km entre la maison des grands-parents et la maison de la maman, et c'est la police qui a trouvé le petit garçon sur le bord de la route en train de faire du stop sur cette autoroute à deux voies, et donc il a juste expliqué que sa maman lui manquait, donc c'est mignon, et qu'il avait prévu de marcher les 240 km si personne ne le prenait en voiture. Donc heureusement que c'est la police qui s'est arrêtée déjà, et pas quelqu'un mal intentionné, donc ça déjà c'est la bonne nouvelle. Donc, alors l'histoire ne dit pas si la police a ramené l'enfant chez ses grands-parents ou chez sa maman. Ils l'ont mis en prison. En tout cas, ça s'est bien terminé. On continue avec un Croate, hein, qui a le prix Nobel de la semaine en matière d'intelligence, puisque donc il a décidé de faire passer en contrebande 175 caméléons de Thaïlande. Et alors donc il a expliqué aux douaniers que s'il a pris des caméléons et pas autre chose, c'est parce qu'il pensait qu'il serait plus difficile à voir. Alors, cet homme... Ils sont cachés. Vous allez voir l'histoire. Cet homme s'appelle Dragos Radovic, il a 25 ans. Il a été arrêté à l'aéroport de Zagreb, donc après un voyage à Bangkok en Thaïlande, et quand les douaniers ont vu que son sac bougeait assez bizarrement, ils l'ont ouvert. Et puis donc là, ils ont vu donc 175 caméléons, qui sont donc des reptiles protégés. C'est une espèce protégée, les caméléons. Et il a dit que l'homme qui lui a vendu les caméléons lui a expliqué que il changerait de couleur et deviendrait donc invisible dans le sac. Donc c'était un bon plan, parce qu'il faut savoir qu'au marché noir, les caméléons coûtent une fortune. Donc il les a eu en Thaïlande pour une bouchée de pain et il comptait les revendre 100 fois plus cher en Europe. Donc voilà, bien joué Radovic. Mais alors il faut savoir que les caméléons, pour le coup, parce que bon, les caméléons s'adaptent réellement, c'est une vérité, aux couleurs de leur environnement. Mais il faut savoir que si vous posez un caméléon sur un tissu écossais, comme le veut l'histoire, donc déjà d'une, il ne devient pas fou et il ne prend pas la couleur du tissu écossais. Hein. Disons que il y a une teinte qui s'approche. Disons qu'il y a une teinte effectivement qui s'approche de l'environnement dans lequel il se trouve. Comme le caméléon est censé vivre donc dans des jungles, il passe du vert au brun sombre, etc. Et là, ils n'ont même pas changé de couleur du tout parce que il y a eu le stress du voyage. Ils ont été donc trimballés dans une soute, dans un sac, 150 caméléons, et donc là, ils n'ont pas changé de couleur du tout. En plus de à cause du stress. Voilà, on continue avec une histoire qui s'est passée à Londres. Alors, une histoire qui concerne Keith Richards. Keith Richards, donc le guitariste des Rolling Stones. Et vous allez voir que malgré l'âge, Keith Richards reste le rocker le plus trash, le plus destroy qu'on puisse imaginer. Parce que bon, c'est vrai que on ne compte plus les frasques de certains groupes de metal, de black metal, qui se versent du faux sang de porc sur scène, c'est du etc. Marketing, ça. Keith Richards, lui, je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Alors attention, il a admis dans une interview au magazine NME, bon déjà qu'il avait pris beaucoup de drogue dans sa vie, ça tout le monde le sait, hein. Sans déconner. Toutes les rockstars. Voilà, qu'il avait sniffé beaucoup beaucoup de substances dans sa carrière aussi. Trop déçu, je pensais pas qu'il était ce genre-là. Il a expliqué que le truc le plus bizarre qu'il ait sniffé, tenez-vous bien, c'est son père. Alors le père de Keith Richards est mort. Non, mais non, c'est dégueulasse. Le père de Keith Richards est mort en 2002. Il a donc été incinéré, voilà. Mais rigole pas. Et alors Keith Richards a dit qu'il n'a pas pu résister à sniffer son père avec un peu de coke. C'est donc c'est ce qu'il a fait, et il a dit que ça aurait pas gêné son père. Voilà, il dit voilà, s'il avait su, bah il s'en serait foutu. Mon père, il était comme ça. Mon père aimait se faire sniffer. Donc c'était une manière de communier finalement avec le père. Hein, donc il voyait ça comme une espèce de réunion comme ça par-delà la mort. Donc il a littéralement sniffé son père mixé avec de la coke. Enfin, c'est un truc énorme. Tu peux pas faire pire en matière de rockstar, tu vois. Et donc bah il a dit que tout s'est passé bien. Hein, s'est passé assez facilement. Alors qu'il doit avoir les sinus retapissés. Oui. S'il lui en reste d'ailleurs. Donc apparemment, ça l'a pas rendu malade. Voilà, Keith Richards, donc qui a dépassé la soixantaine et qui reste le rocker probablement le plus trash qu'on puisse imaginer. Voilà. On marque une première pause dans ces infos insolites. On se retrouve juste après pour la suite et la fin. Dernière partie d'Exocet, on est ensemble jusqu'à 8h30, vous nous écoutez sur le 102.5 et je termine donc la cuvée de cette semaine en matière d'infos insolites. pardon. Bah écoute, c'est vrai qu'il est beau ce jingle, mais, non, mais c'est vrai. Point trop n'en faut. On commence avec une histoire de chirurgien dentiste. Un chirurgien dentiste britannique, et j'en profite pour faire un clin d'œil à un amateur de l'émission qui est dentiste, et donc vous allez voir que ça donne pas tellement envie d'aller se faire soigner les dents, puisqu'il a été reconnu coupable jeudi d'avoir uriné dans le crachoir de son cabinet et de s'être servi d'ustensiles professionnels pour se curer les ongles et se nettoyer les oreilles. Alors, au vu des éléments recueillis, un tribunal spécialisé a estimé que Alan Hutchinson, donc le dentiste qui a 51 ans, mettait en danger depuis plus de 28 ans sa propre santé, celle de ses assistants et celle de ses patients. Alors il était connu pour s'abstenir régulièrement de porter des gants et de se laver les mains. Donc il y a une assistante qui a travaillé avec lui plus de 16 ans et qui a dit qu'elle l'a surpris plusieurs fois en train de pisser, très concrètement dans le crachoir, là où on crache. C'est pratique en même temps. Et donc imaginez tous les petits bitonios, là, tous les petits trucs avec lesquels on vous cure les dents, lui se curait les ongles avec. Ah, c'est horrible. C'est assez horrible. En même temps, en 28 ans, il n'y a jamais eu un problème. Donc on peut se dire que manifestement, on est plus résistant aux bactéries, aux saloperies que ce qu'on pourrait croire. Mais c'est pas une raison temps, pour le faire quand même. Si mon dentiste l'écoute, ils ne vont pas qu'il fasse ça. C'est vraiment dégueulasse. Bon, alors nous avons un homme qui s'est lâché très concrètement dans un musée de Milwaukee, donc on fait un détour par les États-Unis. Donc il a carrément mis son pied dans un tableau à $300,000. Voilà pourquoi, parce que donc cet homme de 22 ans s'est prétendu dérangé par l'image du tableau Le Triomphe de David du maître italien Ottavio Vanini, un tableau peint en 1640 sur lequel on peut voir donc David tenir la tête décapitée de Goliath. Cet homme s'est senti dérangé par l'image et il a donc explosé le tableau à coups de pied. Alors bon, il faut savoir qu'il avait des antécédents psychotiques quand même. Donc quand la police l'a arrêté, il était très très calme. Il a juste dit ça, l'image me dérangeait. Donc il a commencé à balancer ses pieds dans le tableau alors qu'il était au mur. Puis après, il a détaché le tableau, décroché, et il a achevé. Donc c'est une pièce de maître, encore une fois, $300,000, qui peut être sauvée, manifestement, d'après les spécialistes. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours dans les musées du monde, qu'on laisse des psychotiques comme ça se lâcher sur les images qui les dérangent, parce qu'il ne resterait plus beaucoup de chefs-d'œuvre. Voilà, cette émission s'achève. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine à 19h10 sur Rage 102.5. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à passer sur rage.fr dans le forum à la section Exocet. Merci d'être resté avec nous. Bisous, bye bye. Salut à tous. Exocet. Le bizarre, l'inclassable.